tient bon la bite et tient bon le gland. Iseo Santiano, si tu ne dis rien à ta maman, t'auras un paquet de pépitos. Tiens bon